Le mercredi 8 février, ici Dominique Lelièvre et vos informations. L'opposition municipale à l'Hôtel de Ville de Québec revient à la charge contre l'abolition des référendums locaux. La mesure est souhaitée par la Ville de Québec et par le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux. Elle sera débattue demain alors que débute la commission parlementaire sur le projet de loi 122. Dans l'opposition, Anne Guérette affirme qu'il s'agit d'un recul pour les citoyens car c'est, dit-elle, leur seul pouvoir politique entre deux élections. Mentionnons qu'à Québec, seulement 5 projets en 15 ans se sont rendus à l'étape référendaire. La police de Québec rapporte une vingtaine d'accidents mineurs en lien avec la tempête hivernale qui s'est abattue la nuit dernière et ce matin. La plupart des commissions scolaires ont fermé leurs portes. La chaussée glissante a causé ce matin des problèmes de circulation, mais le pire est derrière nous. Les températures sont demeurées plus basses que prévu et la quantité de verglas s'est avérée moins importante que prévu également. Le stationnement sera interdit sur tout le territoire de Québec cette nuit. Les moyens de pression du syndicat des employés de soutien de l'Université Laval devraient préciser demain leurs intentions. Le syndicat avait prévu une manifestation ce matin, mais celle-ci a été annulée en raison de la météo. Des grèves ponctuelles pourraient avoir lieu dès à partir de demain si les négociations n'avancent pas au goût du syndicat. L'Université Laval, de son côté, se fait rassurante et estime que les activités seront peu affectées par un éventuel arrêt de travail. Le Canada a franchi le cap des 35 millions d'habitants en 2016 et le Québec celui des 8 millions d'habitants, mais le poids relatif du Québec est en chute par rapport aux autres provinces en raison d'une croissance insuffisante. Ce sont là les conclusions du dernier recensement canadien, le premier depuis le rétablissement par le gouvernement Trudeau du formulaire long. L'augmentation de la population est essentiellement attribuable à l'immigration. Enfin, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, s'est posé ce matin en sauveur de Bombardier, soulignant que l'aide d'un milliard versée par le provincial il y a un an est bien supérieure aux 372 millions annoncés hier par le gouvernement fédéral. M. Couillard s'est félicité d'avoir préservé des milliers d'emplois. Dans l'opposition à l'Assemblée nationale, la CAQ lui reproche plutôt de ne pas avoir obtenu de garanties suffisantes de la part de Bombardier et au Parti québécois, Jean-François Lisée estime que l'aide fédérale est insuffisante en comparaison des 10 milliards de dollars versés par le fédéral à l'industrie automobile ontarienne il y a quelques années. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est généralement nuageux présentement sur Québec. Les averses de neige, de grésil et de verglas se sont terminées dans les dernières heures. Il y a toujours un vent bien présent qui souffle à 30 km/h et rafale à 50 km/h. Il y a également 40 % de probabilité d'averses de neige tôt cet après-midi. Le mercure se situe présentement à moins 3 degrés. À partir de maintenant, il va descendre pour atteindre moins 20 la nuit prochaine, moins 28 même cette nuit avec le refroidissement éolien. Demain, jeudi, c'est généralement nuageux avec moins 15 degrés au thermomètre. Vendredi, plein soleil, moins 16. Pour le moment, pour la fin de semaine, ça s'annonce nuageux. Quelques flocons, moins 12 samedi, moins 5 dimanche. Présentement à Québec, c'est généralement nuageux et on a moins 3 degrés.